quelque chose noté de toi, mais je sais pas si ce sont les bonnes notes. G, C, G, C, G, C. A, B, D. Le Luca. C'est quelque part des notes, je ne me rappelle pas. Est-ce que c'est du sol, du do, du si, du la, du dé, du g, du c, du f, du b, du si, du la. Wrong people. je suis plus là. Thank you. Thank you. Thank you.